Ma belle Sarah, celui qui consomme, autrui s'en trouve mal. Mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Sarah d'Abraham.